Chapitre 35. Page 235. Exercice 5. 1. Mon patron est de bonne humeur aujourd'hui. Comme cela risque de ne pas durer, je vais en profiter pour lui parler. 2. Quand les parents sont entrés dans la salle où tous les adolescents étaient en train de danser, ils n'ont pas été bien accueillis. 3. C'est très bien que vous arriviez maintenant. J'ai justement une question à vous poser. 4. Florian a posé une question à son professeur sans que ce dernier ait eu le temps de s'y préparer. 5. Les remarques de Grégoire n'avaient aucun rapport avec la conversation. Elles étaient tout à fait incongrues.